La communauté internationale fait éloge du maréchal Kim Jong-un. Plusieurs personnalités de divers pays, notamment le leader national du Parti travailliste mexicain et le co-administrateur général du Conseil du Fonds Kim Il-sung et Kim Jong-il, ainsi que des amis étrangers ayant visité la Corée, ont dit que la Corée est toujours victorieuse et glorieuse sous la conduite du grand président Kim Il-sung et de M. Kim Jong-il, fait valoir sa dignité grâce à M. le respecté camarade Kim Jong-un, doué de la compétence politique exceptionnelle et de la vertu noble. Le journal hongkongais de Chine, Takongbao, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études ont indiqué dans leurs numéros et déclarations communes que sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État, fonction suprême de l'État, est la traduction du système de sa direction unique de plus en plus consolidée et que, grâce à cet événement, la cause révolutionnaire Chuché, cause socialiste, progressera plus dynamiquement.